Les spécialistes. Je vis la vie telle une voie de suite. La carte est tirée, sachant que terre à terre et vers les cieux, je devrais marcher, j'ai tout pour m'enfoncer la tour, pour la détourner. C'est dur à avaler, mais d'autres frères en sont submergés, c'est la mer. On ose dire de moi que je suis fou, j'ai la tête sur les épaules, pèse si t'as la corde au cou. Là je serrai, les coups de soude et contrairement au lobsa. Fier et sûr de moi, toujours droit, j'évite les zigzags. Je reste en place, efficace, facile à comprendre. Pour du vice à vendre et en revanche, beaucoup de fric à prendre. Ta rime plus MC Niang, que c'est pour la monnaie. Tu veux déconner, sache qu'entre nous y'a ce qui fait vendre des monnaies. Les pieds au sol, quoi que je fasse, j'ai mon navire en sol. Car trop sale pour ouvrir les portes avec une clé de sol. Me demande pas c'est pour quelle somme. Quels hommes, quelle zone, quelle gêne. S'il faut qu'on s'ambiance, demande lesquels j'aime. En retrait, je vais clasher mon portrait craché, caché. Faut croire qu'un jour ça va marcher. Y'a rien d'original à squatter la pénombre. Moi pour me prendre un nom, bah j'ai rien trouvé d'autre que mon prénom. Leur vie, ouais c'est tentant. Moi je flippe tant, je regrette nos tripes d'antan. Plus je kiffe quand sur un pitch m'entends. Rien ne change, toujours le même tic quand y'a la zik qui chauffe. Me mets un nu, c'est pas un pipe mais un reality show. Texte lucide, micro chargé, auto-suicide. Pété à la ganja rata, tu trouves ça wiki. Je défonce ta défense comme une attaque de Netflix. Hey gros but, tu veux sucer ma bite, let's go. Fuck Brigitte Bardot ainsi que les amis des bêtes. Attaque au cutard d'un barbu, coupeur de tête. Ici tout s'achète, à coup de machette. Une vie de misère, un calibre, tout ça pas cher. Un stylo, un missile, un big big deal. T'auras beau chercher, jamais tu trouveras l'idée. Et même si sous le pont t'as tué les Didi, moi jamais j'aurai la carrière de plus Didi. C'est vrai que j'roule, un moment j'ai trimé. Bon j'compte plus mes freestyle. A fumer les sols toutes les nuits. Quand tourner les sirènes de B.I.C. Dynasty. Mon cœur tombe, quand j'pense au temps. Quand j'vois ce qu'a fait le bise aux gens. J'peux pas comprendre qu'on puisse kiffer, non. Et qu'on ne fasse plus rien sans demander de vie. Tant qu'il y en a une posture, bien sûr. Spécialiste est sur la liste et rassure. Pendant qu'il y en a qui posture, et bien sûr. Spécialisé d'autres, on fait que ça dure. Je rappe, j'suis dans ma zone, et y'a ni couche dans zone, ni terre, ni chromosome. Juste de la rime en pagaille, c'est mon royaume. Et y'a ni guerre, ni trône, ni esclave, ni icône. Mais à chaque couplet, une bataille. Moi et la zik, rien ne peut empêcher qu'on s'entende. Et quand je lui donne ça, y'a pas de problème, elle est qu'on s'entende. En fait, c'est une trop longue histoire pour tenir en 8 lignes. Mais sache que je le fais sans viser, le succès juste au feeling. J'arrive avec un truc énervant, le style de mec énervé. J'te fais du rap d'arabe avec des dents qui rayent le parquet. Contre moi y'a Sarko, et pour les contrer, j'ai marqué des mots qui deviennent des phrases et qu'ils étudient au parquet. Mon plat c'est MY, demande au spé à Sorka. Et l'industrie du disque ignore toujours ma gueule de rapza. Pas de disque d'or dans mes couloirs, mais juste des feuilles et des histoires qui sont souvent la cause du flingue caché dans ton tiroir. Pas facile de dire sa vie sur un freestyle, donc quoi dire à part qu'ici on est tous malades mentales. Tous envie de briller, donc serré sur l'instrumental. Et ça MY, les spécialistes, spécialistes. Rien d'extra, juste un extrait de ma vie d'exclu. Je m'excuse, je fais pas exprès d'écrire des textes crus. J'ai trop de haine et j'en ai vraiment rien à foutre. Faire partie du problème que Sarkozy veut résoudre. Moi je suis plutôt du genre, quel genre? Ces gens qui gênent, pas de gentils jeunes, non, que des indigènes. Habitués aux pinces et aux gaz lacrymogènes. Et Annick et Marie-Jeanne dehors, même pas d'hygiène. Avec le G, après notre U-I-L-E. T'as noté, maintenant tu sais qui est là. Depuis 12 piges, tout ça pour le kiff, le but est là. Avec mes gars, j'ai le flora, c'est en mode. Les rêves de jeunes rappeurs sont devenus vieux. Là, à croire qu'on m'a jeté l'œil, enlève tes yeux. La raid au K, au KROM, au gros scrapule, Mistali, carré OM. Pour l'espé, dans de la posture, bien sûr. Spécialiste sur la liste et rassure. Pendant qu'il y en a qui posture, et bien sûr. Spécialiste et d'autres, on fait que ça dure. Moi j'écris, j'attends pas que la radio ait un coup de cœur. J'suis dans mon monde, renfermé. Dans ma tête, c'est un bunker. La couleur de l'album, la rime qui adoucit les mœurs. Tu te demandes à quoi j'carbure. Les impros durent 3 quarts d'heure. On rap texte par texte. La rue a choisi son camp. À force d'être perplexe, t'es pourri, t'as fait ton temps. Et que m'étais un rageux, donc tu seras jamais le best. Moi j'traumatise l'ingé, juste en disant à deux tests. Quoi, tu veux rentrer dans le coup, comme si c'était un club. Mais avant, faut que tu prouves. Poser ta voix sur un scud. Large, ta basse sur un scud. Le mic, un gun, un accessoire. Sur l'album d'Espé, premier chapitre dans l'histoire. Depuis le temps que je rappe, ils veulent que j'arrête. Et non. Et à ce qui paraît, les traites me suivent à la lettre. Mais c'est dans mon élan que t'entends. Oui, inscrit le talent, mon script allonge. Dans ce mur DMC en string talent. Mon âme est triste, talent. À la dérive, plus loin des rêves que des risques. Même si je vais plus derrière le périph', les gens voient plus d'intérir. Pas certains en péril là où les chiffres sont plus durs que le shit à acquérir. Gare à ceux et celles qui veulent barrer mon histoire. Car elle fait commencer un quart de siècle. J'ai toujours pas touché ma part. Ni couché la garde puisqu'ils sont gangrénés de la bouche. Ou imprégné la souche, je suis prêt pour entraîner un bouche. Ouais, j'ai ni garde du corps ni de coach. Moi, je veux être libre. C'est ni la carte gold ni le gold qui me font vibrer. On vient s'infiltrer, mon équipe et moi. Garde intact tes tickets et mots. Ici, ce qui est parti, c'est mort. Je fais mon entrée dans l'arène parce que c'est le dernier round. Et mon son tourne encore à l'heure où on évite les rondes. Et tu sais bien qui tient les rênes. Je résonne avec le cœur. Plus t'y crois, plus t'es sûr de toi. Et plus ça leur fait peur. Mon histoire, elle est pleine de patates en pleine dent. En même temps, je suis atteint, mais cette vie, on l'aime tant. Si je rentre aux parades, qu'on dit que j'arrache, mérite ma place. C'est mon taf, pas mon glace. Mais nique ta race, y'aura pas de mon pote console léger. Niquer les consonnes, c'est l'alerte à l'album. Mais spé, on sort l'album, c'est du rap. Sur CD, du rap. Possédé d'une âme pour sceller nos armes. Je suis resté dans le vrai, le peuple nous acclame. Le princesse Agnès, le spécialiste, athlète, les spécialistes, tant qu'il y en a qui postulent, bien sûr, spécialiste sur la liste et rassure, pendant qu'il y en a qui postulent, et bien sûr, spécialiste et d'autres ont fait que ça dure, tant qu'il y en a qui postulent, bien sûr, spécialiste sur la liste et rassure, pendant qu'il y en a qui postulent, et bien sûr, spécialiste et d'autres ont fait que ça dure. Spécialiste.